L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Depuis le 6 septembre et jusqu'au 17 octobre, on a l'occasion à la Maison du Don de découvrir les œuvres de l'artiste Paul Flickinger. Olivier Durat, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de communication pour l'établissement français du sang à Nancy. Cette exposition, c'est une première pour la Maison du Don ? Oui, oui, c'est une première, oui, oui. On y pensait depuis quelques années, depuis que nous sommes arrivés dans notre bâtiment il y a à peu près 6 ans. C'était un projet de mettre en place des expositions. Eh bien, donc maintenant, c'est concret. Donc, depuis le 6 septembre jusqu'au 17 octobre, avec cette grande première, avec l'artiste lorrain Paul Flickinger, qui est sculpteur et qui est peintre, on espère que c'est une ouverture pour d'autres expositions dans les prochains mois et les prochaines années. La vocation de cette exposition, c'est d'améliorer encore le cadre des personnes qui viennent justement donner. Oui, oui, tout à fait. Et puis, donc, c'est améliorer, bien sûr, le cadre. C'est offrir une expérience un peu inédite donc aux donneurs de sang tout au long du parcours, que ça soit donc dans le hall d'entrée de l'établissement français du sang de la Maison du Don, donc boulevard Lebeau. Ensuite, donc le donneur tout au long de son parcours entre le secrétariat de don, la salle bien sûr d'attente où il remplit son questionnaire, et puis l'espace prélèvement où on a un certain nombre d'œuvres qui sont exposées, et puis enfin donc l'espace collation. Donc le donneur peut retrouver toutes ces œuvres qui sont réparties, il y en a plus d'une douzaine. C'est un choix donc de rapprocher la santé et la culture, et ça on le fait depuis quelques mois maintenant, depuis les confinements et déconfinements, on s'est rapproché des milieux culturels pour organiser des collectes. Donc c'est un peu dans cette suite logique, donc des collectes de sang qu'on a pu organiser donc au musée des Beaux-Arts par exemple à Nancy, et qu'on organise dans d'autres lieux de culture dans le Grand Est. Le choix de l'artiste Paul Flickinger, hein, qui est quelqu'un de notre région effectivement, mais qui a aussi une renommée internationale, comment ce choix a été fait ? C'est simplement des contacts qu'on peut avoir personnellement avec des personnes qui soutiennent son action. Puis bien sûr, on est en attente aussi pour les prochains mois et prochaines années aussi d'autres artistes s'ils veulent venir vers nous pour étudier donc de futures expositions. Le don du sang avec cette période de rentrée scolaire et de reprise du travail, c'est une période difficile pour retrouver des donneurs. La période du mois de septembre de rentrée est toujours une période toujours un peu délicate dans la mesure où les donneurs sont préoccupés à préparer bien sûr la rentrée, à organiser différentes choses dans leur vie personnelle. Donc on a toujours un peu moins de donneurs, et puis dans le même temps donc on a une augmentation donc des besoins dans les hôpitaux dans la mesure où l'activité hospitalière reprend après la période estivale. C'est à voir cette exposition jusqu'au 17 octobre à la Maison du Don, hein, c'est 85-87 boulevard Lebeau à Nancy. Le don du sang est habitué aussi d'organiser comme ça des événements, il y a régulièrement des petits déjeuners, des dons du sang gourmands, des expositions. Maintenant, vous avez d'autres rendez-vous de prévu dans les semaines, mois à venir ? Oui, oui, on a un grand rendez-vous de prévu en partenariat avec les clubs Rotary de Nancy. C'est une grande collecte événementielle. Ça va être la 4e édition de Mon sang pour les autres, qui va se dérouler donc le vendredi 14 octobre et le samedi 15 octobre dans les grands salons de l'hôtel de ville de Nancy. Donc c'est la première fois qu'on organise pour cette 4e édition une collecte sur 2 jours. On était plutôt habitué à une collecte le samedi, et là maintenant ça va être sur 2 jours. Donc c'est vraiment un événement important. Les donneurs seront gâtés dans la mesure où il y aura une collation gourmande qui leur sera offerte. Et puis ce qui sera assez formidable, c'est qu'ils pourront avoir accès des grands salons sur la place Stanislas, dans la mesure où il y aura le jardin éphémère. Ils pourront vivre un peu cette expérience à l'hôtel de ville. Pour tous ceux qui ne connaissent pas cet endroit, on les invite à découvrir cet endroit et puis à faire une bonne action en répondant aux besoins des malades. Voilà un beau rendez-vous à venir. Pour l'instant, bien sûr, cette exposition jusqu'au 17 octobre, et bien sûr, l'importance de donner son sang. Vous pouvez juste nous rappeler, en cette rentrée, à partir de quel âge on peut donner aujourd'hui ? On peut donner son sang à partir de 18 ans. Donc si on est étudiant, si on est lycéen, qu'on arrive sur Nancy, eh bien, il faut savoir qu'il y a la Maison du Don de Nancy, qui est donc, je le rappelle, au 85-87 boulevard Lebeau. C'est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h, le samedi de 8h à 16h. Et on peut prendre rendez-vous directement auprès sur le site internet ? Oui, tout à fait, sur notre site internet, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous pouvez aussi évaluer un peu votre état de santé, savoir si vous pouvez venir dans la mesure où il y a les différentes contre-indications aux dons qui sont indiquées. Donc ça peut vous éviter de venir directement à la maison du don. Mais si vous avez des incertitudes sur des questions médicales, il n'y a pas de souci. Les médecins, infirmières vous accueilleront sans problème. Merci beaucoup, Olivier Durand. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.